Matignon, bonjour. Allô. Allô. Alors, allez-y. Allô. « 57, rue de Varennes, de François Perrache. Quatrième saison, plafond de verre. La jeunesse se flatte et croit tout obtenir. » La vieillesse est impitoyable. 57, rue de Varennes. 20e épisode. En toute chose, il faut considérer la fin. Et c'est le cœur serré, mes amis, que j'introduis aujourd'hui ce dernier épisode du pénultième chapitre de notre longue fable politique. Notre fable politique où la morale n'a pas sa place. Il y a moins d'une heure, lors d'une émission télévisée, notre héroïne à bout de force a laissé échapper une déclaration impardonnable. Mais la première ministre se débat encore. Plutôt souffrir que mourir. C'est la devise des hommes. Monsieur le Président ? Oui. On a trouvé la vidéo. Je vous l'ai mise au début de la séquence. Vous avez juste à appuyer sur la barre espace. Merci. On évolue, monsieur Boulanger. On évolue. Et puis, les hasards des rencontres ont fait que j'ai eu l'occasion d'en discuter avec une personne qui avait fait ce choix terrible de mourir. Et qui, quelques semaines après notre discussion, est partie en Suisse pour bénéficier d'un suicide assisté. Eh bien, je vais vous dire, monsieur Boulanger, cette discussion a bouleversé mes convictions. Et vous pensez donc qu'il faut légiférer ? Mais là, c'est plus qu'une question politique, monsieur Boulanger. Là, c'est plus la première ministre qui vous parle, c'est la femme que je suis. On est au cœur d'une décision humaine, individuelle. Franchement, vous voyez, je suis émue, mais j'en ai encore la chair de poule quand je repense à cette conversation magnifique. Magnifique que j'ai eue avec Isabelle Gerland. Pardon ? Avec Isabelle Gerland. Vous êtes en train de nous dire ce soir que la femme du président de la République a eu recours à l'euthanasie. C'est ça que vous nous dites ce soir ? Non. Secrétariat particulier, bonsoir. Armel ? Oui ? Bonne et bénie. Ah, salut Edwige. Encore au travail ? Toi aussi, à ce que je vois. Ah, quand on aime. Le président est rentré de Londres ? Il arrive incessamment, il m'a appelé de la voiture. Dis-moi, Armel, j'arrive pas à joindre Madame Kervelec. Ah ? En tout cas, le président avait l'air tendu au téléphone, hein, il veut la voir. Quoi, maintenant ? Ben, il va être minuit, là. Et... Bon, Edwige, je suis pas censée te le dire, mais en fait, Tiffen est partie à la maternité parce que les médecins viennent de sortir sa fille de l'incubateur. Ah ! Ça, c'est une belle nouvelle ! Enfin ! Oh, elle est courageuse, la petite. Et ta patronne aussi. Oui, mais là, elle commence à perdre pied. Elle m'inquiète franchement. Ça reste entre nous, évidemment, mais j'en suis à lui annuler des rendez-vous sans la prévenir et même sans prévenir le DIRCAB. Ils vont la tuer à la tâche, elle est épuisée. Et puis pardon, mais le président lui facilite pas la vie. Ah, je sais. J'essaie de le calmer quand je peux, mais tu le connais. Je peux pas tout te raconter, mais ici, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres sur Madame Kervelec et sa grossesse. On dirait que c'est l'événement du siècle. Et eux, là, tous ces génies de la politique, ils croient qu'ils sont nés comment ? Le président a toujours pas digéré qu'elle lui fasse un bébé dans le dos, si j'ose dire. Bon, Armel, ce que je te propose, c'est qu'on voit ça entre nous. Dès que je sais que le président est loin de Paris ou très occupé pendant un moment, je te fais passer l'info le plus tôt possible, et comme ça, tu casses tous les trucs perso de ta patronne. Oh, merci Edwige. Ça me rendrait tellement triste qu'elle se plante. C'est dégueulasse tout ce qu'on lui fait subir. Et on ferait jamais subir ça. Bonsoir, monsieur le président. Je suis en ligne avec le secrétariat de Matignon. On a du mal à joindre madame Kervelec, mais il est presque minuit. Elle a dû rentrer se coucher. J'ai eu son DIRCAB. Il m'a dit qu'elle était partie à la maternité. Elle a dû éteindre son portable. Si vous n'arrivez pas à joindre non plus son officier de sécurité, envoyez une voiture à l'hôpital. Je veux la voir. Oui, monsieur le président. Armel ? Oui. Tu as entendu ? Oui. Il a l'air dans un état. Il n'est pas question que je m'énerve. J'ai subi dans ce bureau à ta place les colères de mon prédécesseur. J'en ressortais agacé, mais pas impressionné. Les colères sont toujours un aveu de faiblesse. Je ne peux pas me le permettre. J'ai bien réfléchi, comme on dit. Ce que tu as fait ce soir, Tiphaine... Pierre... Une seconde, j'ai pas fini, hein. Et je pense qu'on t'a assez entendu pour ce soir. Ce que tu as fait mériterait évidemment que je te vire. Mais je ne peux pas. Ça passerait pour une décision personnelle. Je ne peux pas non plus te demander ta démission, puisqu'on sait bien que quand le Premier ministre démissionne, c'est le président qui l'a foutu dehors. Ça reviendrait au même. Je suis donc obligé de te garder à Matignon, au moins quelque temps. Mais ça m'inquiète beaucoup ce qui s'est passé ce soir. Tu te crois libre, forte, mais t'es irresponsable, incontrôlable. J'ai plus confiance en toi, Tiphaine, plus confiance. Je suis désolée, Pierre-Yves. Je sais que je t'ai blessée. Et je te jure que c'était pas mon intention. Bousquet m'a poussée dans mes retranchements. Elle m'a attaquée sur la PMA. En plus, au même moment, j'avais en tête que Désiré était en train de se faire désintuber. Tu peux imaginer, non, que... Je suis désolée. Je te prie de bien vouloir accepter mes excuses pour toi, pour la mémoire d'Isabelle. Et je sais que c'est aussi une faute politique et je vais tout faire pour arranger le coup et arrondir les angles. Je te demande pas d'arrondir les angles. Je te demande de marcher droit. Je reprends en main ta communication, Tiphaine. Et ton agenda. Désormais, on pilote tout depuis l'Élysée. À partir d'aujourd'hui, je veux que ton cabinet envoie systématiquement à Christian tous tes discours, tous tes déplacements, toutes tes prochaines interventions dans les médias. Pierre, je sais que j'ai merdé sur ce coup-là, mais je me laisserai pas traiter comme une petite fille. Il faudrait aussi que tu te rappelles que normalement, c'est moi qui devrais être assise à ta place. Quelle arrogance! Oh, je te trouve bien sûr de toi. Quand je vois comment tu t'es fait retourner ce soir comme une débutante par ce petit merdeux de boulanger, je suis pas sûr que t'aurais eu le cuir assez tanné pour tenir comme moi pendant 2 heures face à Bousquet pendant le débat du 2e tour. Et alors, c'est Bousquet qui se serait retrouvé à l'Élysée? Non? On est embarqué dans la même galère, Tiphaine, sauf que c'est moi le capitaine. Je te place sous tutelle. Maintenant, tu vas faire exactement ce que je te demande et uniquement ce que je te demande. Et peut-être qu'on réussira à s'en sortir tous les deux. Donc maintenant, tu fais le dos rond, tu fais profil bas, tu bosses et tu caresses un peu l'opinion dans le sens du poil plutôt que de vouloir faire la révolution toutes les semaines. Je veux bien faire des efforts, Pierre-Yves, pour caresser l'opinion dans le sens du poil, comme tu dis. Mais tu ne me feras pas faire n'importe quoi. Beau sourire. Bien franc, s'il vous plaît, Madame Kervelec. Voilà. Oui, regardez bien l'appareil. Bon, allez, ça suffit, on s'arrête là. Vous avez largement ce qu'il faut. Oui, c'est très bien, on s'arrête là, Thierry. On va débrouiller avec ça. Merci, mon chéri. Tu regardes vite ce que ça donne et tu m'envoies ça au journal cet après-midi. Ok. Bon. Bah, merci, mesdames. Je vous raccompagne? Non, ça va aller, merci. Bon, vous voyez, Tiphaine, je ne suis pas le diable. Il va être magnifique, ce shooting, et j'en ai fait quelques-uns. Perrine et vous êtes très photogéniques, c'est rare en politique. Ça sort quand? 2-3 jours, vendredi au plus tard. Eh bien, au revoir, Mimi, je ne vous retiens pas, j'ai beaucoup de travail. Bien sûr. Avant de partir, je peux vous demander une dernière faveur, toute personnelle. Juste un petit selfie avec Perrine et vous, c'est pour mes archives. Je la diffuse pas, promis. Juste un petit selfie, allez. Cheese. Ah, merci, je vous embête plus, je filoche. Je vous fais passer une dernière sélection cet après-midi, il y aura l'embarras du choix. Hein. Au revoir, Tiphaine, au revoir, Perrine. Enchantée. Ma question s'adresse à Madame le Premier ministre. Madame Kervelec, vos révélations de la semaine dernière sur l'épouse du chef de l'État pose un grave problème institutionnel de confiance du peuple français envers le président de la République. Mais cette interview surréaliste a surtout été l'occasion de dévoiler vos intentions véritables en matière d'éthique et de droit de la famille. La jeunesse catholique de France, elle s'est mobilisée aujourd'hui pour dire au gouvernement et au président Gerland et à toute la jeunesse de France qu'on lâchera rien. C'est non à l'euthanasie. Vous êtes bien là. Et cette vue sur la mer, c'est génial. C'est pas la mer ici. Ah oui, c'est l'océan. En tout cas, elle est chouette, votre véranda. Je suis obligée de la nettoyer tout le temps à cause des fientes de goélands. J'y passe une bonne partie de mes journées. Ça me permet de profiter du jardin presque toute l'année. La maison est trop grande maintenant. Mmh. 3 étages pour moi toute seule. Je suis désolée. Hein, si j'avais su que j'avais de la visite, je serais passée à la pâtisserie. Le café, c'est très bien. Ne vous dérangez pas pour moi. C'est moi qui suis impoli. Je passe à l'improviste. Mais je me suis dit, c'est trop bête. Je suis à 2 pas de chez la maman de Tiffaine depuis le temps qu'elle m'en parle. Là, je passe juste quelques jours chez ma sœur. Elle est à Primle. C'est incroyable. Vous êtes quasiment voisine et on ne s'en était jamais rendu compte avec Tiffaine. Alors, quand l'autre jour, elle m'a dit que vous habitiez à Plogoff. Ah, vous avez vu Tiffaine récemment? Je vois très souvent votre fille. À Paris, c'est plus facile. Vous n'y allez jamais? Non. Vous savez, je suis en dépression depuis la mort de son papa. Alors les voyages, Paris... Et vous arrivez à la voir souvent? Tiffaine, oh, elle est très occupée. Mais je l'ai vue encore l'autre jour, tenez, regardez. C'était avant-hier. On a pris une photo ensemble. Là, regardez comme on est belle. Perrine, Tiff et moi. Oh, vous êtes bien. Tiffaine, elle a jamais su sourire sur les photos. On fera aussi un selfie toutes les deux avant que je parte et je l'enverrai à Tiffaine, ça lui fera plaisir. Elle a encore maigri, non? Oui, bah oui, elle est un peu fatiguée, évidemment. J'étais passée pour leur faire la bise et puis voir la petite, elle était couchée, j'ai pas voulu les déranger. Figurez-vous que je n'ai pas encore rencontré la petite Désirée, incroyable. Et moi non plus, je l'ai pas encore vue. Et bien comme ça. Si vous la voyez avant moi, vous pourrez me dire si elle ressemble à sa maman. Oui, enfin, elle est encore tellement chétive, on ne se rend pas bien compte. Tiffaine m'a envoyé quelques jolies photos par la poste l'autre jour. Ah bon? Ça vient de qui? Qu'est-ce qui se passe là, Tiffaine? On est en pleine réunion. Dehors, tous. Sauf Kenaël et toi. Non. Vous laissez vos affaires et vous sortez là, tous maintenant. Allez, tous, maintenant. Ça vient d'où? C'est qui? C'est un de vous deux? C'est Pierre-Yves? Il n'y a pas 36 000 possibilités. Si ça ne vient pas de Matignon ou de l'Élysée, c'est la clinique alors. Je veux qu'on fasse une descente chez tous les médecins et les infirmières qui m'ont approché depuis 6 mois, à commencer par Blanchard et Vialet. Tiffaine, il faut que tu te calmes et que tu arrêtes de tenir des propos incohérents si tu veux qu'on te comprenne. De quoi tu parles? De ça. Ça. Une note blanche de la DGSI. Par ailleurs, un ou plusieurs magazines s'apprêteraient à publier une photo non encore sourcée sur laquelle apparaîtrait la petite Désirée Kervélec en présence de sa mère et de sa compagne. C'est sur mon bureau depuis 2 heures. Pourquoi personne ne m'a rien dit? 2 heures. J'en sais rien, Tiffaine. On reçoit des dizaines de notes par jour. 2 heures. 2 heures de perdu. On arrête tout. Vous mettez tous les moyens dispo à Matignon et à l'intérieur pour me trouver cette photo. Steve, tu vois, avec un juge des référés, on fait interdire toute publication, c'est clair? Cette photo ne sortira pas. Tiffaine, c'était à peu près inévitable que ça finisse par sortir. Mmh. T'es premier ministre. Et plus t'as voulu la cacher, plus ils ont eu envie de la voir. C'est de ma faute donc? Non, mais pardon, ça confirme ce qu'on dit depuis le début. Il faut livrer un tout petit peu de ton intimité si tu veux qu'on te foute la paix. C'est exactement le contraire, Guénaël, exactement le contraire. J'aurais jamais dû accepter de faire une photo de Perrine et de moi. J'ai mis le doigt dans l'engrenage, je me fais broyer tout entière. Mais pas la petite, pas Désirée. Tiffaine, on va tout faire pour empêcher la sortie de cette photo, mais gardons notre sang-froid. C'est juste une photo. Tout le monde publie des photos. Je fais de la politique, de la politique. Au début, ils commentaient la couleur de mes tailleurs, ensuite ça a été Perrine, ensuite la PMA. C'est pareil pour tous les élus un peu exposés, Tiffaine. C'est pas vrai, et tu le sais parfaitement. Ils se permettraient jamais ça avec un mec. Est-ce qu'ils emmerdent les ministres au sujet de leur maîtresse? Tiffaine, enfin, t'es lesbienne et t'as fait une PMA, ça crée forcément une curiosité particulière. Mais merde avec votre curiosité! Je suis pas une bête de foire! Je n'ai jamais pris la moindre décision en tant que lesbienne, comme tu dis, alors qu'on me lâche la grappe. Même là-dessus, on n'est pas à égalité avec les hommes. La politique, c'est truffé de pédés honteux, marié à des cache-tapettes. Mais les médias n'en parlent jamais. Au mieux, ou au pire, c'est selon, on laisse courir la rumeur. Et pourtant ça, c'est un problème politique. Parce que c'est souvent ces mecs-là qui votent les lois les plus homophobes. Mais personne n'en parle. Bon, mais Tiffaine, tout ça, on n'y peut rien. Ah bon? On n'y peut rien? On laisse faire, alors? Putain, Steve, on n'y peut rien. Guénel, tu convoques un point presse à Matignon en urgence. Il est 11h, je veux tous les journalistes de Paris à Matignon à 18h. Et je leur dis quoi comme sujet? Que tu vas outer tous les homos de Paris? Ce que tu veux, je veux qu'ils viennent tous. Tu leur dis que c'est urgentissime. Mais c'est pas la guerre non plus, Tiffaine. Si, Steve, c'est la guerre. Oui, c'est moi, évidemment, c'est moi. Et je ne l'ai pas prise, on me l'a donnée. Je veux voir cette photo. Je vous interdis de la diffuser et j'exige de savoir qui vous l'a donnée. Primo, vous n'exigez rien du tout. De Zio, la photo a déjà été vendue. Quel magazine? Je ferai bloquer les ventes. Vous divaguez. À Paris peut-être, et encore j'en doute. Mais vous ne ferez pas interdire tous les magazines à Londres, à Milan, Madrid, Bruxelles, sans parler d'Internet. Vous l'avez vendue à l'étranger. C'est une belle idée, l'Europe, Madame Kerbelec. C'est ma vie privée. Vous ne vous appartenez pas. Quel drame pour une malheureuse petite photo et quelle prétention, là encore. Vous faites grand cas d'une chose fort banale. Je pourrais très bien vous péter la gueule. Là, tout de suite. Comme avec Monsieur Mercadal? Oui, je sais. J'ai des photos. J'ai des photos d'à peu près tout le monde. Beaucoup, quoique jamais diffusées, sont très instructives. Oh! Chez moi. Une vieille dame comme moi. Vous pourriez me faire très mal. Allez, sortez de mon bureau, Tiffaine. Je vous ai proposé il y a longtemps de faire cette photo, vous avez refusé, avec beaucoup de mépris d'ailleurs. Alors j'ai simplement fait mon métier, et croyez-moi, je le fais bien et depuis longtemps. Je crains qu'on ne puisse pas en dire autant de vous. La tâche était sans doute au-dessus de vos forces. Vous n'étiez pas prête. Bon, qu'est-ce qui se passe encore? Je suis à Strasbourg, voilà, je rentre ce soir. J'ai reçu un appel de Mimi qui me dit que tu l'aurais menacé. Non mais tu te rends compte de ce que tu fais? Une femme qui connaît tous les secrets de la République depuis un demi-siècle. Des trucs dont tu soupçonnes même pas l'existence. Et puis quand bien même? Michel est une amie. Tu n'étais même pas née quand je l'ai rencontrée. Elle pourrait être ta mère. Et toi, tu... Non, mais vraiment, tu deviens complètement hystérique. Avec Mercadal encore, c'était plutôt drôle, il l'avait pas volé. Mais tu vas pas casser la gueule à tout Paris. Bon, heureusement, j'ai réussi à la calmer un peu et je lui ai tiré les verres du nez. Mimi m'a expliqué ton histoire de photo. Encore un problème avec ta fille, hein. On a bien discuté, et je pense que, si tu t'excuses, on pourrait même empêcher la diffusion. Mais pas sous la menace, Tiffaine, pas la menace. Et d'ailleurs, figure-toi qu'elle a fini par me dire comment elle a vu la photo. C'est le président, tu réponds? Non, il a peut-être appris que je faisais une conférence. À tous les coups, il veut me dissuader de parler. Et il aurait raison, tu fais une connerie. T'es sûr que tu veux pas que je relise au moins ce que tu... Non, j'ai jamais été aussi sûre de moi. Et j'avoue que je m'interroge un peu sur votre manque de soutien. On est tes conseillers, donc on te conseille. Comment on essaye? Outre Madame Michèle Mardagnan, contre laquelle une plainte vient d'être déposée. J'annonce également que je mettrai tout en œuvre pour retrouver et poursuivre en justice la personne qui lui a remis cette photo où apparaît notre fille. De toutes les intrusions dans ma vie privée que j'ai subies depuis des mois, celle-ci est, de loin, la plus ignominieuse. Pendant la campagne présidentielle, mes adversaires m'ont beaucoup attaqué sur ma relative jeunesse. Vous vous souvenez sans doute de leur slogan de l'époque, « Kerbelec, elle n'est pas prête ». Mes adversaires avaient raison. Je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête à exposer ma vie privée lorsqu'elle est sans rapport avec mes activités politiques. Je ne suis pas prête à livrer ma vie de famille en pâture à l'opinion publique. Cette photo, puisqu'elle existe, circulera, notamment à l'étranger et sur Internet. Cela me heurte et cela me blesse. Mais je souhaite en faire un moment de réflexion collective pour tous les médias et tous les citoyens de notre pays. J'annonce donc qu'en cas de publication par un ou plusieurs médias français d'audience significative, je présenterai immédiatement ma démission et celle de mon gouvernement. Je remets donc mon sort politique entre vos mains. Chacun prendra ses responsabilités et pourra s'interroger en conscience si la photo d'une petite fille de 3 mois relève de la sphère publique. Oui, Antoine, une ambiance très recueillie ici, sous un soleil radieux, au pied de l'église de ce paisible village à quelques kilomètres de la Pointe du Raz. Une église, Saint-Colodan de Plogoff, bien trop petite pour accueillir la foule silencieuse des personnalités qui se sont rendues aux obsèques de la mère de la Première ministre. L'annonce du suicide de Marie Kervélec, alors qu'elle venait de fêter ses 70 ans, a provoqué une vague d'émotions. Et des médias venus du monde entier ont investi la petite commune du Finistère. Comme vous le disiez Antoine, la cérémonie s'est achevée il y a quelques minutes maintenant, tandis que l'inhumation de Marie Kervélec aura lieu dans la plus stricte intimité. Vous voyez peut-être passer à l'instant derrière moi plusieurs membres du gouvernement. Le président Joaton ou l'ancien Premier ministre Pablo Mercadal. Et voilà qu'à son tour, le président Gerland descend les quelques marches de l'église. Ah, Monsieur Gerland semble vouloir faire une déclaration. J'essaye de me rapprocher du président de la République. Toutes les explications du monde ne justifieront pas que l'on ait pu livrer aux chiens l'honneur d'une femme, au prix d'un double manquement aux lois fondamentales de notre République, celle qui protège la dignité et la liberté de chacun d'entre nous. J'accuse tous ceux qui, par cette intrusion ignoble dans la sphère intime, nous ont conduits aujourd'hui aux obsèques de Madame Kervélec. Dans les circonstances personnelles particulièrement pénibles que traverse Stephen Kervélec, je voudrais rendre un hommage tout particulier à son action déterminée et à ses prises de position courageuses sur de nombreux sujets qui lui ont valu d'être la cible d'attaques incessantes et parfois ignobles. Mesdames et messieurs, bien que je lui ai demandé de reconsidérer sa décision, je vous confirme que j'ai accepté ce matin, à regret, la démission de Madame la Première ministre. À suivre. Rue de Varennes. De François Perrache. 20e épisode. Chris Nyangona, Hervé Pierre, Maud Le Grévelec, Johanna Nizar, Florent Schepp, Andrea Brusque, Christiane Cohenby, Bernadette Le Sachet, Judith Henry, Fabrice Deville, Anne Deleuze, Anne Cantino, Véronique Vielle, Laura Sibona, Tatiana Spivakova, Henri-David Cohen, Archibald de Forçant Philippon et Delphine Léonard. Bruitage, Élodie Fiat et Sophie Bissante. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Chaleureux remerciements à la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, pour leur accueil amical. Prise de son, montage et mixage, Stéphane Desmond et Émilie Coët. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Cédric Ossier. Daddy, in the air, blow the whistle on the fireman, he rang the bell. It's bad, you know.